S-S-S-S-H-I-N. On rapide pour rien, mais on le fait quand même. C'est pour Kaz, tiens de la Kaz, K-K-O-F. C'est pour mon pote Fethi et Hichem. J'ai l'air comment on fait des sons Nichen. T'inquiète, c'est pour Bel Air, mon cousin. Un appel, c'est à la Bel Air, mec. J'oublie pas, B.E.B. Aziz, Oussama, Zizou et tous les vrais du quartier, frère. Un appel, c'est à la Bel Air.